J'espère que ce voyage sonore vous a plu. Quant à moi, avant de rendre l'antenne, laissez-moi vous offrir un tout dernier cadeau bonus. Une visite dans une maison un peu particulière.